2. Compréhension auditive. Nous allons faire le portrait physique de Mireille. Vous allez entendre des paires de phrases. Dans chaque paire, vous allez répéter la phrase qui correspond au portrait de Mireille. Regardez la photo de Mireille pour vous aider. Vous entendez. 1. Elle est plutôt petite? Elle est plutôt grande? Et vous dites. Elle est plutôt petite. À vous. 2. Elle a l'air robuste ou elle a l'air fragile? Elle a l'air fragile. 3. Elle est en mauvaise santé? Elle est en bonne santé? Elle est en bonne santé. 4. Elle est mince ou elle est un peu forte? Elle est mince. 5. Elle a le cou court et épais ou elle a le cou long et mince? Elle a le cou long et mince. 6. Elle a la taille épaisse ou elle a la taille fine? Elle a la taille fine. 7. Elle a les doigts courts et épais ou elle a les doigts longs et fins? Elle a les doigts longs et fins. 8. Elle a les jambes courtes ou elle a les jambes longues? Elle a les jambes longues. 9. Elle est blonde ou elle est brune? Elle est blonde. 10. Elle a les cheveux longs ou elle a les cheveux courts? Elle a les cheveux longs.